بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله القطب المشهور الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى وارضاه عنا به في الكنوز العشرة وأنه تعالى ينزل على كرسيه يوم القيامة إلى آخره كنت جتاي dutay yewesu kon ni won ci batay ci tere bu am solo bobu al kunuzul ashara ci al kanzul awwal ci awalimul insani manam borom bi subhanahu wa ta'ala bim binde doomu adama aduna yi nga xamantene mom la dugalale ci biram bañu yeksi won ci aduna bobu ñuy wax al khayal manam khayal moy genre manam fiction la fiction ba wax tamit le monde imaginal le monde de la fiction ou le monde imaginal mu nek aduna bu doyaat bu yeme yeme yow bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf ko def ci bir nit doomu adama donc amul ben nit lu borom subhanahu wa ta'ala dugal na ci mom khayal wala ni mu dugale ci mom lu ko gëna jégué moy xel akal nga xamantene aduna la bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala da ko duggal ci biram pour mu nek outil bu muy défaré li yewenal mbiru adunam ak mbiru alakhiram parce que nit su amul xel du mëna def lu bare bare du ko man bu mëna raisonnable manam du mën di lijeenti yu bare yu mu wara lijeenti niki nonu mu def ci mom lu déme neké gisone nañu ne defon na ci mom aduna buñu wax jëm al jism mu jëm jo xamantene borom subhanahu wa ta'ala dako defar anam defar gu jëme gu jinki day nga xamantene aduna ba aduna daj nit rek lañu gis mu yor fa xaw jëm bi ba pare mu dajale ci mbolam li nekk ci aduna bi ci mu reuy manam mu dajalo ci bir nit amul len lu nekk ci aduna bi luddul ne matière la bo xamne boko xole ci touti manam mi ngi ci bir nit ba pare mu def ko ci nit mu and ak harmonie bo xamantene amul ci leneen niki nonu mu def mu def mu jox mu defal ko tamit manam bakkan bakkan tamit moy aduna bobu ñu doon wax bakkan mom xam nañ ko jallu nañ ci ak xol ak ruh yep ay aduna rew borom subhanahu wa ta'ala bind ci doomu adama mu nek yu doywar yu dagale ci mom nga xamne ruham mom par contre mom ap wol moy xet euf moy wol bo xamantene wolu kon souffle mo souffle voilà bo xamantene ci borom subhanahu wa ta'ala la jugge directement ce qui fait que nit motax ruh manam hakikatan motax mu absolu manam mu nek lo xamantene dafa absolu illimité et cetera manam imperceptible insaisissable et cetera comme borom subhanahu wa ta'ala non la mel té ci mom la ruh djougué té borom subhanahu wa ta'ala nit rek la djël djox ko ruhu bopam manam ñi ci dess ñepp du sen borom subhanahu wa ta'ala soit day bind ci ñom ruh wala mu ñu bind len sañu am ruh mais nit rek la borom subhanahu wa ta'ala def ci mom ruh bo xamantene ci mom la jugge directement bana muy ruh mom yalla mom la soufflé ci nit ki voilà walilahi masal ala day mel comme si buñu waxé rek né courant bi nga xamantene mom moy mo nek mo jugge EDF centrale manam mom moy daw fi même courant bi la même bu fekkante ne buñu jëlé individuellement dinañ gis né courant bi nek fi ci kër gi bokku ta courant gi nek ci kër gele bokku ta courant bi nek fele mais buñ né courant bi moy bi nek juggé ci centrale day daal mëna jup and ak lolu nak dafa absolu voilà c'est à dire que en même temps boudé ci walu courant oui en même temps même courant bi la mom moy daw fepp en même temps mais buñ leen jëlé individuellement tam mën nañ ni manam bi daw fi ak bi daw fi lu ben manam ruh itam non la mel manam and ak yépp souffle divin la ben la ci borom subhanahu wa ta'ala moko def ci doomu adama wol ko ci mom mais tamit manam mu nek lo xamné en même temps dafa absolu manam amul limite motax ruhu doomu adama lepp nek ci biram mais malgré lool yépp mu am tamit kenn ko ci nek am nga ruhu sa ruhu bopam ndax kenn ko xamné ni sama ruhu bokut ak ruhu kenn ci yeen ku nek niki nonu kenn ci yeen ku nek ruham bokut ak ñeneen ñi ci dess ñepp seen ruh mais and ak lool yépp dafa illimité dafa indéterminé dafa dafa manam dafa illimité dafa absolu wala dafa wala dafa absolu amul restriction ci dara loolu tax ruhu doomu adama lepp ngi ci biram lepp ngi ci biram hatta ko ci aljana ak sawara sax ngi ci bir nit ci wala wala lepp ngi ci bir nit ci amul luko genn lool mom motax aduna bu mag bi mom moy nit ki wala motax aduna bi mo geuna yaat nit buñu xolé ci côté corps corporative corporative manam le fait que muñu am mu am jëm am corps physique aduna bi mo geuna yaat nit ki mais buñu xolé côté ruh gi ruh doomu adama buñ ci jëlone aduna bi yépp ak li ci bir arach coursi yépp ñu duggal ci bir nit ki ci duggal ko ci bir ruh nit ki do nit ki duko yek sax manam bu ko duggal ci ben point ki ruh nak ki nit sax du yek ne mi ngi ci mom voilà ndax dafa absolu voilà borom bi subhanahu wa ta'ala mom rek nak mom mo absolu lool mom motax nit rek mo meuna yegg ci borom non gisoon nañ kon walu go gisoon nañ tamit li nga xamne mom moy daaju ci walu de ak li nga xamne mom moy processus bi buñu waxe de lan lañ ci djublu lan moy processus et cetera ak yan ñoy de ci nit ak yan ñoo dul de comme par exemple xamne ni ruh du de mais bakkan day mos de ñoy xol ak jëmuy nit ci ak xelam da nañ de wala gisoon nañ yoyu tamit gisoon nañ tam li nga xamne mom mo aju won ci lor yeup ba gis ñi nga xamne borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamne leg leg non lay modéliser xolu nit ñi ci ay modelu parfois ba ci ay modelu yenen alayhi assalam comme niñ ko gisse won ci wa ahlu diwar nga xamne non lañ mel bañu taxawon ci seen bir ak tamit ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi ni transcender yoy yep nga xamne nekku ñu ci ben maqama haqiqatan moy ñi nga xamantene ñoo ñu lañ tambalé won moy wa ahlul islam nga xamantene ñoo ñu lañ tambalé won seen ci seen wa alam bi nga xamne aduna bi nga xamantene ci lañ nekkon nak moy aduna yi xayal manam moy janer bi moy fiction imaginal voilà borom subhanahu wa ta'ala ni mu defé ci nit benn monde bo xamantene mom lañ wax lo monde secret monde secret moy alam sirr parce que bobu tamit borom subhanahu wa ta'ala ci yermu ni bu yaar daf ko wutal doomu adama manam bi mbinde doomu adama dafa duggal ci biram subhanallah parfois manam nit ki du ko sax man situé mom fan la aduna bobu ne ci mom mais mi ngi ci biram xamna ni mi ngi ci biram comme xel mi ngi ci biram ah xel mais par contre xel ci xol la ne lolou waxon nañ ko mais dakoy ki ci bob bi manam parce que al aqlu sami moy lo xol bi nga xamne mo suprême manam le l'intellect suprême mom mo nek ci xol mais benen intellect bi mi fi law nek ci bop mom moy nek ci yuri wala mais yi nga xamne ñom ñoy traiter chose yi nga xamantene haut gamme lañ ak yu important yi ak yoy yep yoy ci xol lañ ne amna nak ben amna fu mais day takki fi comme ordinateur bi bu xolé unité centrale bi ak écran bi ci unité centrale bi ci la affaire de départ mais ci écran bi lay feñe lolo tax bu xamul da fay fogné motax ngay gis ni kuy doga gis ordinateur ni xamul bo gisé budi wax ak ordinateur bi manam donc day bind di ci ak yoy mais su problème amé mo du fay unité centrale ci souf mom ci kaw lay fay parce que day japp na écran bi mom moy mo nek di fofu la affaire alors que écran bi fofu lay feñe xel non la mel ak xol xel en fait deug fi la ne ci xol mais ci your gi nak lay apparaître comme lampe bi contact bi fi la ne mais fi lay tatte voilà lool mom moy tax nit ki ak lu mu and ak lu mu ri xel bu fekente ne ben mbir bokul ci ay conviction mënoko convaincre ci côté bobu manam loko man ci wax itam manam lu raisonnable abiri raisonnable dafa am ben aspect bo xamantene fek bayiwuloko xel ci sa raisonnement affaire yi du dox moy ne waji dafa am nu muy xalaté dafa am nu du dox muy xalaté ni parce que dafa am lu mu gëm ba paré té yoy ñu jitu ci mom té yoy ci xol bi la né conviction yi foi bi croyance yoy ci xol bi lañu né manam lokoy wax lu ni yow li ngay def jaadul wala li baaxul wala yoy mom du ko mëna comprendre voilà da ngay wax o sonu mais du comprendre li ngay wax lan la parce que xol bi ci bopom mo teju ci lool et que comme xol bi dafa teju motax du mën di xalaté nudul ni xol bi ni ko xol bi orienté loolu ni ko xol bi orienté non rek la mën di xalaté voilà lool preuve le buy waré né effectivement c'est ni xala xel ci xol la né ah da ngay gis mbir mo xamantene day évident ci ñenn mais nga gis ku leen ëpp xel fouf affaire bi nek casquette ci mom du évident dara parce que tout simplement xol bi mo teju par rapport ak lolu légui mu dess ñu kon aduna bobu ci nek ci ki bobu mën nañ ko situer mais dafa am benen aduna moy secret le monde des secrets bu add yalla bind moy alam sir duggal ko ci bir doomu adam fofu même bu dé nit ki amna ci accès aduna bobu moy monde des secrets malgré que amna ci accès bu bax ba sa yu ko nexé mu duggal ci lim ci bëgg duggal manam lepp lu muy bañ keneen gis ko rek wala keneen xam ko fofu la ko duggal sa yu bëggé yegg ci donné bobu non day demal rek ci fofu jëlat ko et cetera manam da ci am accès total ay secret han voilà bu ko déxé voilà ni amna nak ño xamantene xamna sét aduna bobu yaatu na muy buntu ño yaatu tamit da ci fek duñu mëna garder secret bu duggé rek day gennat wa bu duggé rek day gennat wala muy wa parce que aduna bobu yaat na torop manam lo ci duggal mën nga ci duggal du fess en fait du fess aduna bobu du fess té pourtant mi ngi ci bir nit ki yalla loolu la def ci nit manam duggal ci mom hein da aduna bobu de telle sorte que nit ki suy wax manam mën na jël lepp lo xamanteni bëggul ñi ci dess xam ko rek loolu mom du ko génné du ko bolé ci limuy génné té lepp lo xamanteni da koy neub nit ñi wala da koy neub ñepp ba ci malaka isa da lañ koy neub fofu la koy duggal bu ko fa duggalé tecc ko kenn du ci mëna am accès mom rek moy am accès ci loolu wa moy alamu sirr le monde des secrets wala lol lol mom motax ngay gis nit ku garder ben secret ba dé té duko musa wax hein ah lan ci janubir garder secret ah wa janubir wala wala ok lol ñu bare bare dañ amna ñu bare ñuko man mais amna ñeneen ño xamantene daf lañu difficile parce que ñom même bu dé sen aduna bobu yaatu na keni na dañu ubi buntu yi buntu yi pour contenir pour tout bu hermétique da fay compliqué ci ñom mais nak amna ben affaire bu important moy yoonu yalla ku ci nek yoonu yalla kep ku ci nek fokk aduna bobu nga wutul ko serrure yi woon ñu degeere parce que dafa am secret yo xamne bis boko wunñi manam bis boko dévoiler musiba dal la musiba bo xamantene dootul delu setu bu mukk dooto ci meuna delu ci ginnaw irreversible motax lool bok na ci li ñi jëk jang motax souvent da ngay gis serigne sou marché bu jëk bi dañ dan faral di amna yo xamantene buñ ko bëgge jangal seen wala ñu bëgg ci waxtaan ak seen talibé dañ leen di tester souvent ci est ce que meun nañ garder secret wala dem voilà comme li suma djumul du al djuney di kenen ki soit shibli wala ken en tout cas ci ñooñu la kenn ci ñooñu la fekk boba mu ñew dafa ñew ci dekk ci benn dekk suma djumul baghdad la won muy ñew fekk benn serigne bu mak tok benn way ci wa'imul kalam ni moy ni di jang elmul kalam moy théologie di mu ñew tok fekk bo mu boy la mu ñew tok ci wet gi deg serigne bi waji diko malmone quoi voilà waji daj di diko malmone mom nak mu nangu débat bi japp waji daj ko lay nak serigne bi waji nak ko tan serigne bi ko tan ci mom xamul ne man ne xawmone fekk bi mu ñewé da ko minimiser quoi munoko me man xawmo ni yow dekete ni nga mané ni nga xamé xam xam quoi munako wa mé nak man dama bëggul dama déggul su tour té dama xamné da nga yor ki bu mag bi quoi tour yalla bu mag bi légui dama bëggon nga jangal mako munako wa ñol nga nga dima manam andal ak man dal mo benn jëm na dox la ko jox ñu and ay at légi nak mo mu bëgg ñibi mu ne ko bon man ma ngi fi waaj waaje yag def na fay ak té nak lima warona def yépp gis na ni def na ko légui dal xam na né damay dal di mëna yébé légui nak dama bëggon rek tour yi ma la doon wax nga baaxam ko dal mu ne ko baax na mu ko wax mu dal di jël ben caisse ne ko dama bëgg nga yobul mako juste ci manam benn dekk bu nek akoto benn village nga yobbu ko nga dem ci diw nga dox ko mom mu jël caisse gi diko yobbu mu gisé caisse gi dafa woyof trop amé bi da so waaw mu dem nak mu tam fu yobbu ko mais déme ba ci yor mu né mais parce que ci kenen ki mu ko wara dox tam ko kilifa la mu né est-ce que lu mais ki daf may fomé wala parce que dima yobonté ci kilifa gi mais kess ko wala fi ni mais affaire bi dal vraiment dafa doy war quoi mais mu dem yobbu bi mu démé ba ci yoon bi affaire bi tanté wat ko mu né mais xaruma xol lu nek kess mu ubbi ko rek am jëndax ju daw mu top ko daw daw top ci ginnaw mu nu ko jot quoi mu déllu ci nim delu sé naka serigne bi gis xar kanam gi rek ak ni mu ñangalé rek mer rek mu ré deko yow yaangi ni yow c'est comme am jënd xar rek mënoko garder lan ngay xalaal légui nak ma jox la secret yalla bu mag néna nonu la delo ñibi ak sama loxay néna wa wa wa wa si lol wa lol mo motax wa waji fofu la mujjé motax même amna ci kumu mësa dégg mu ko wax ci Aladji Mansour radhiyallahu anhu mom par exemple da dan def lool bu la dan amna yenn yu mu lan bëgg bu la bëggé jangal yenn ak yoy mais day xol ba xam woor nga ba paré numuy sét numu koy sété moy da lay wax na la ci day jël ben comme pitax dal koy ci ben mousse wala mu am fum ko def wala comme mu def ko ci ben bol ni ne yoni la ci neeg bi nak ci lo xamanteni dang fay tok ben moment ne la wax demal nga tok nga xaar na bo laalé bol bi rek pitax mi lay tup leg bu tebe bu nawé do ko mëna jax rek nga dadi mu dadi nga xamné falé wala mu denk la amna tam benen façon moy da lay denk comme benn mbous bo xamné comme bourou la ci def ni amna soxlo wu tak ko ne la am dencal ma mbous mi dencal mako nga denk mu bayila ba deyel wala gannaaw deyel sa mu laaj na la mbous ma nga andi mbous mo sa lol mom ma la denko nga waaw bourou gi voilà bo ne bourou gi rek mu ne ha d'accord voilà voilà mais est ce que di nga meuna parce que lool la manam garder té lo xamantene dañ ni la fi nga ci wara yam wala bok lo xamantene mumuko wala ki woti nga xamni li du sama yef nako teye nako na ci yam fi ni lool mo joxe té lool fa mo am manam yoonu yalla bo ci semine fa nga man lool voilà parce que aussi loy gën di cheminer après niñ ni di denk ay mbir yo xamné fokk nga man ko tey bu baax fokk nga man ko tey bu baax ha nga am koolute gogou ko wa mais boudé suñu société yi nga xamé dé gaay dañuy xuru ci nek ñu dafa kepp kessu jakkaje ak kessu daayru bi la kepp ak yoyu xam nga lolu yoyu finalement yo wala boudé ñoñu ñoy cheminé ci yoonu yalla ben la dawa hein amen dama dawar yalla ñala sam voilà pour revenir kon monde bobu yalla non la ko bindé manam de telle sorte que lool yeur ma dig yalla gu reuy la parce que bu fekkone tane nit ki secret amul manam monde secret bobu ci bir nit amul kon nit ku ne manam dina bari yu muy bëgg neub yo xamantene manam ak ñi ci dess xam ko du ko arranger té bu boba du ko man voilà ba paré aussi benen yërmu debi ci nek moy le fait que nit ki sa yu soxla waté doné bi rek day démat jullu ji wat ko am ci accès bobu taw benen yërmu debi yaatu bu reuy la mais amna benen monde bu gëna sori encore moy alamul akhfa bobu le monde dissimulé voilà wala le plus dissimulé monde bobu nit ki mom dafa neubatu secret la mais nit ki du ci am accès benn jamono rek la ci am accès moy bu ko yalla wursugale fatkhu akbar manam ouverture illuminative bu mag bobu rek ci la ko ci lay amé ha ci lay doga mana amé accès ci lolu voilà moment bobu parce que fofu en fait ci monde bobu la fa may interlocution ay waxtan dialogue yu existé entre nit ki manam ruham ak borom bi subhanahu wa ta'ala manam fofu non ci ngay gisé borom bi nimuy waxtane ak ruh ak sa ruh du tontonté ak mom sa yow nga yekko mais fofu su fo amé accès ci monde bobu nak da ngay gis lool motax ci monde bobu non ci la borom bi subhanahu wa ta'ala di dévoiler secret yu mati comme par exemple yi mu def ci début alcorane ay alif lam mim ay hamim ay yasin ay taha kaf ha ya ain sad et cetera ay qaf nun ak yu mel non fofu yoy par exemple fofu le dévoiler ce crayon mak yoy motax sedna abakar as-siddiq radiyallahu ta'ala di wax nan yoy non xaraf yoy secret la bo xamantene yalla daf ci waxtan ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi mu tan manam da ci waxtaan ak ñoom manam ñu ci dess duñ ko lire ñu xam lu ñuy wax duñ xam lu muy wax dinañ ci am mëna am peut-être parfois ay yenn aperçu yi rek mais amuñu ci xam voilà alors que ñoñu nak par contre ñoom dinañ ci am xam bu yaat bu de bu gëna développer que ñeneen ñi ci dess ñu ci comprendre légui monde biñu nekkon moy xayal parce que amna ci bir monde yi ñu tuddu comme bu neena alamu sirr ak alamu akhfa indale ko mais c'est parce que dañu duggalé aussi ci xayal ak ci aqla manam xel xayal moy monde bobu comme bi nga xamne mom lañ doon wax manam imaginaire de la fiction li impossible yépp ci mu xel fofu lay possible amna nak yo xamantene am xel dana ko man alors que manam soxlawul xayal pour man ko comme tay par exemple tukki manam aduna bi yeup mën nga ko wër ak sa xel legui ci 1 minute wala 1 minute nga dem wala nga dem fi New York delusi dem Makka delusi wat dem Kemer ñu wat dem manam fu ne nga dem fa delusi wat mais ci 1 minute voilà ndax sam xel rek moy dem hein lancé waaw voilà alors que kon xayal nak mom benen la manam xayal fofu bok na ci caractéristique yi comme ni nga xamne non lañ ko tambalé won gis moy nek ko contradiction wala yi nga xamne dafa impossible ci xel yoy dañuy possible fofu wala ay mbir yo xamne tane am xel du ko meuna nangou wala du ko meuna japp pour une raison ou pour une autre hein mais da fay possible ci lolu ay mbir yu beure beure yo xamne da ngay japp ne lolu warta meuna nek manam mbir ma par exemple tay ñun comme tay ñun ni kenn ku nek ci ñun day ñu ne mi ngi ci bir pièce bi salle bi ni et en même temps ñu ne salle bi tamit mi ngi ci biram lolu fim xal daam dafa impossible manam tay munuma nek ci salle ba pare salle bi nek ci sama bir lolu duma na nek wala ñu ne diw de mo jur diw mo jur diw par exemple modou ibra ba pare wolbeutiku ne ibra nak moy mamou mudou lolu tamit duma na nek manam am xel moko dul nangou wala ñu ne modou de mo jur ibra ba pare dal ni waye nak ibra mom modou jur mo jëk juddou mudou lolu tamit am xel duko meuna nangou yep xel duko meuna nangou mais ci alamul khayal man na ne ci khayal man na ne le simple fait que ñukoy imaginer moy wala man na ne te borom subhanahu wa ta'ala daf ñu deugulon comme niñ ko gisee khayal gogou ci par exemple bu ñu nelaw leen nit di nelaw di gënt ay affaire yo xamantene xamna ni li man ta ne yalwul mana mais da koy jël après mo nan mais man li comme li yaakaana ballon mo wa ni jënt di dawal auto par voilà lol xam nga lol man tane mais pourtant hein mais jënt nako tet hein ay jëm yu taxaw di def nit ci su genté ci aduna bobu suy gënt suy nelaw ci aduna bobu la xolam di dugg motax muy mënd di gis yenn affaire yu fay am wala leg nak am ño xamanteni dañ japp ne par exemple lool wu no dafa lool wala dañuy dund yo xamanteni dañ japp ne man ta ne wala dafa xaw dafa doyar manam ñom sax mën nañ ci jël ay titangi yuri fekk du dara dañu teud gënt rek affaire par exemple le fait que ñuy gënt nit ko xamne mësuñu ko gis ñu xey dox ci mbébbi mi tassé ak mom wala yu mel non le fait que mu leen di arriver parfois yenn yu bari wala ñu gënt ben xew xew ñu xey suba wala ñaari fan après affaire bi am voilà le fait que ñuy japp ne manam le fait que ñu ñaar ka xamne monde bobu dafa exister réellement et que monde la bu réel té ci bir nit ki rek la nek nekul fenen ci bir nit ki la nek la ko yalla intégré manam mom du ko le fait que mu ñak xam ne lool dafa existé motax day japp ne manam da ngay gis mu koy indil ay titangé japp ne lool dafa normalul nangam baadu nangam manam dem ba manam yu bari mën nako ci fekk ay yeen xéet théorie yu bari mën nako ci duggu tamit da fekk té du dara lu dul ne dafa dugg ci aduna bobu rek alamul khayal comme niñ ko waxé won li gëna deugël né aduna bobu existé na et li ci gëna présent moy image bi ngay gis ci sétu image bi ngay gis ci sétu parce que koku non ki nga di gis ci sétu boko xolé da nga xamni ki yow mais en même temps da nga koy mëna saxal né ki mëna mais en même temps da ngay mëna né ki du man parce que man ko ngi ni ki kenen la ko mais hein ba bare doko mën situer ci espace bi mënoko tek fenn ci espace bi d'ailleurs mo tax comme al istiwa ala al arsh lolu lolu bokku na ci lañu gëna ki manam le fait que borom subhanahu wa ta'ala amul place bu mu ne et que mën nañ ko gis ya ko aljana aljana nit ñi bu ñëmé dañu gis yalla mais mën nañ ko gis sa mu am place bu mu nek wala espace bu mu nek lolu exemple bi ñu gën bi ci gëna patant moy li nga gis ci sétu parce que ki ngay di jakkal bu ñu won ñun le fait que sétu gis nañ ko ba paré bu di gis jëm yi ñu ci gis nonu suñu waxon nañu amna ku ñu mëna exister et que existé wuñ ci ben place té dañ leen di gis buñ ko mëna gëm bu dul won li ñu gis sétu bu ñu waxe lolu duñ ko comprendre mais image bi nek ci sétu bi daf ñu koy prouver parce que ki may gis ci sétu bi mënoko suté nekul ci ginnaw sétu nekul ci kanam ba paré nekul ci bir sétu nekul entre man ak sétu nekul fofu yépp té pourtant mi ngi ni way jakarlo mo ma ngi koy gis ha ma ngi koy gis wala ba paré dafa copier sama jëm ba tel sorte que damay wax ni ki man la ba paré en même temps damay xamné du man lool moy xayal manam fiction la fiction l'imaginaire voilà comme lool la moy moy lo xamantene sax sam xel rek ko manam sa xel sax munu ko japp deug deug voilà motax comme ni gars yi di wax en tout cas lool lañ waxone bi ñu nekké première xam ba xam deug lool deug mais né nañu bi tubab bi ñëwé ci biñu dé jaay li dañu dañ ñëw indi pour faculté yi ak est ce ay chefu lañ ñu jox ñu jaay di ko xol dég na sax amna ku ci ne ki dé mbor la nek mo seugiss bokop djubbu bi la xamé quoi da dal commencé may dal jël jam yum amone joxé et cetera ak yeneen ak yeneen or be ak yoyu dal joxé dal or yum amone ak yépp mu joxé ko ngir né manam jox nañ ko sétu bobu manam muy mundi gis bopam xam nga lolu ha yoy li koy indi waaw moy ne xawmu waxam deug la wala deug mais en tout cas c'est révélateur ci ko manam en tout cas meun nañu jarign ci exemple bi ñu jox moy ne nit ki bu musul gis lolu jour bu ngi ko di gis meun na sax jommi parce que xamugo voilà gis yi defene manam dafa gisat bopam et que mom comme kenn la donc bu le fait que mu gisat bopam ku melni mom lolou do ko gis am li lañu gënt gis sa bop voilà mo ko voilà gis sen tak ndar daw voilà comme ñi di xalé yi do ko xamé après ñu commencer ñu laaj melu et cetera donc mais ñun lool mën nañ ci jarignu gis ne xayal bobu non la exister maintenant fofu borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam dafa bok ci manam subhanallah manam mom ci bopam da fay manifester wu ci xayal bobu mom ci bopam de telle sorte que loolo tax ñu possible ñu di gis yalla ci gënt lool mom motax ñu possible mais sinon dans la vie de tous les jours ni gis yalla du mëna nek ludul ci sansu biko arifi di waxe manam voilà moy beutu xol manam gis ay turum ay melom et cetera ni mu manifester wo ci mbir yi et cetera ak yoy wala ay doxalinam ay jëfum voilà yu mel non mais kanta jëm manam ci nek nek ni wala mu yor forme jëm ni ñew lolu ci ci alam bi ni ñu nek ni ni ni du mëna nek lolu du mëna nek légi nak bokku na ci yi nga xamanteni gisoon nañ ko ci manifestation yoy nga xamne borom subhanahu wa ta'ala dina koy di def ci alamul khayal amna yo xamanteni gisoon nañ ko te bokku na ci né manam da fay am day am jovialité manam bitté buri niki nonu bokku na ci yi gisoon moy né day di rétan borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci yiñu gissone moy ne day yejj yejj moy xéetu kokkeli la moy rayeur yi moké gissone nañ tamit né day di teurel pexé gissone nañ tamit né borom subhanahu wa ta'ala dafa yémo ci kaw arasham é ci jotay bi wésu lolu ci walu istiwa ala arsh detaay won nañ ko manam yemo ci rasulallah lay tekki lan la ko ki surtout ulama o zahiri manam borom xam yi nga xamne ñoo yëngu ci walu sharia ci zahir lan lañ ci wax ak wuti yi ci am manam niñ ko di comprendre ak tamit nan lañuy wone ne manam mazhab bi nga xamantene manam gis gis bi nga xamantene mom la par exemple mu jass ci may won mu shabihi comme par exemple wahabi di niñu façon bi ñi di gisé ci côté bobu non le fait que baxul ak manam ak argumentation bi gissone nañ ko ci jotay bi wess voilà legui mune wa annahu te borom tamit khabarana nak mom subhanahu wa ta'ala ajkaj moy yanzilu day wacc ala kursi ci kaw wa kursi yom manam moy chaise yawma qiyamati bisub taxaway ci noddo barfaal mu ne rawat darimi mo solo amam ad-darimi rahmatullah alayhi abu abdurrahman wa abu shaykh serigne bobu nga xam fi al-azama ci teyru bobu ñu al-azama wasyuti mu tamit abdurrahman abu bakar abdurrahman as-suyuti rahmatullah alayhi fi durr al-mansur muy teyre la tam bu bind ci tafsir عن ابن مسعود جل كتي مولى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي جل كتي انتبي صلى الله عليه وسلم انه قال لنا قيل له ولات ننكو نكو ما المقام المحمود لان موي المقام المحمود ها بروم بي دا فني ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا غودي جيل تي بن parti ci goudi lo xamantene da nga ci def li ñu wax at tahajjud moy xetu nafila la manam moy nafila nafila goudi dafa am solo manam bo meune def du 11 rak'a yent bi daan def sallallahu alayhi wasallam mo geul wala lu ko moy ñaar après nga witar wala soko deful nga def lum bon nga def ñaari rakka tamit nafilo la guddilo nafilo la manam kon bo julle ke rek bo ci tege ñaari rakka duguna ci bir wa et cetera niki nonu moy niñu wax qiyamul layl dañu qiyamul layl ku munul lolu sax mu julli safa witar wala witar lol tam ci bir lay dugg ku munul lol mu def lan mu tok wala mu sujjot go xamne da koy fasiyene man da koy fasiyene jaamu yalla ci guddigi su manul lol tam manam tellement que amul temps wala dafa tayel wala mu tok rek djublu ci kaba ngi def ko jaamu yalla manam même bu dé temps bu ndaw lay don manam ngir di jaamoko yalla guddigi mais mu tok guddigi du dara mom lolou bu ko def lol nak kuko manout nak waaw xamatuma lol lañu wax waaw mën na def zikr waaw nek sa di ci tuddu tur ya voilà exactement lol ta man na nek voilà mais dal na di jaamu yalla mais nak li gën moy mu def au minimum façon julli au minimum mu am julli bu mu def même bu dé ñaar rakka la mu def ko non ko munul lolou dans le sens où moy defugo rek waaw defugo soit da ko manul parce que da febar wala da ko manul parce que dafa amul jot wala da ko manul parce que dafa tayel parce que tamit xam nga lolou tamit ki la dafa la puissance spirituelle bu lo ko def lo voilà su fek munul ko voilà su ko munul mu def voilà légi mu né nak lol def ko nafilatan laka ngir mu nek ak ndolent jaamu yalla ci yow parce que motax jaamu yalla guddi tout temps dafa am solo même motax même salat fatih yi ñi wax ni le fait que jaamu yalla yi guddi yamul ak jaamu yalla yi beccëk motax salat fatih so ci défé benn guddi day tolok 500 yo def beccëk voilà lol mo motax jital wër dum gën ñak ko jital voilà kon manam guddigi dal nga dal nga jaamu yalla dal guddigi moy après guerre voilà après guerre voilà par amna sax borom xoxam yu ci duggal après timis juste après timis sax lool man bu dey bok ci jull ci nafilu ci jaamu yalla guddi ci nafilu guddi voilà non be boudé wirde bi nak mom non boudé wirde bi amna def la différence voilà wirde bi dafa am ay heure buñ koy mëna jitalé moy bo xajé goudi gi ñetti xaj ben xaj bu ñëkk bi jall manam digënté timis ak fajar nga xaj ko ñetti xaj ben xaj bi jall na ba nga tek ci lo xamanteni dañ ci mëna jang juroomi hisab al qur'an lu demé nak ay 45 minutes environ wa boba ci ngay do nga am sañ sañu jital sa wirde voilà légi yentou bi sallalahu alayhi wasallam borom bi daniko kon yow de ko def motax nafilu guddii motax borom xom bi rahmatullahi alayhi ne nafilu guddii farata la won ci yentou bi sallalahu alayhi wasallam ci xéetam bi nak dafa nek nafila ngeneel la cioba raw la sunna la luñu sopp la mais du won farat du farata ci xéetam bi mais ci yentou bi sallalahu alayhi wasallam mo farata la ci mom léegi nak borom bi déko nafila tan laka lolou dañ la ko defal fu ñu ne ko ak ndolent pour yow muna asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ndax lolou di tax borom subhanahu wa ta'ala dékkal la ci place manam maqam bi nga xamantene moy place bi nga xamantene station bi nga xamantene mahmudan bu ñu gëreum la bu ñu gëreumul voilà voilà légi ñu laj ko yentibi sallallahu alayhi wasallam lan moy maqam mahmud bobu qala mun zalik zaka lolo day yawma bis lay doon bo xamne yanzilu day wacc allah bur yalla taala adika ala kursiyihi ci kaw kursiyo ci kaw kursiyo moy chaise mun ya ittu bu ko defé mu kiki di moy gis nga bo togué ci chaise bu xawtu deug ni muy defé kak kak kak kak voilà bruit bob muy def xet mo la ñax kiki ha mu kiki di kama kenn nga xamné ya ep non lay kiki je ar rahlul jadid manam tek gu bes min tadayuqihi ngir woyof manam ngiru khat bi ci mom wo wote kursi bob day kasaati dafa tolok yaatu way kem yaatu way ma bayna samaay li nek ci digeenti asaman wala argal suusi wala manam asaman ci suusi bo len bolé comme li alquran wax wasi'a kursiyyuhu as-samawaat wal ard dafa yaatu ba eumb asaman yi ak suusi motax yentibi na sallallahu alayhi wasallam ben kursiyu bu ñëlon asaman ak juroom ñaari asaman ak juroom ñaari suuf yëp ñu sann leen ci kursiyu day melni jaaro bi bu mako sann won ci ben all tay bo demone ba ci désert bi sahara ma sanni fa jaaru ñu ñew neen gaay man de sama ci ba jaaru ba dal ma nga ci saara ba té ngeen mo ko sétal ci manam ni mi compliqué pour ñu retrouver ko nonu la mel course yu han nonu la mel ak juroom ñaar asmané tous xam nga lolu borom subhanahu wa ta'ala manam kon xabar nañu ne ci lamine yenté bi sallallahu alayhi wasallam ne day lan day wacc ci kaw kursi mais lolu buñ ko xolé dañuy gis ne ci côté wu lan manam ci xel lolu man tane mais ci alamul khayal dana amana ne ndax lan manifestation la manam tejali la bu borom subhanahu wa ta'ala di def lolu lay tek manam motax wa ñi di def ta'wil souvent wala dañuy wax ne manam ak taxaw la parce que chaise bobu dañ ko tek manam ngir mu meuna imposer wu di woné ak katanam manam meuna gérer univers di gérer li nga xamantene mom moy manam administration ak jugement li nga xamantene mom la wara def yow man xéwal lolu nak su ko manam wacc gi mi wacc ci fofu nonu muy kicci gi ngir xat djum xat manam lolou lañ koy gëndele le fait que mu nek ko xamantene manam bu yowmal qiyamé borom subhanahu wa ta'ala manam ngir événement yi sopandiku gi mi sopandiku jour bobu ande comme à part de cursi ci la administration yi di nekké bu boba da ngay gis manam day kicci gi jour bobu non ngir bëri way liñ wara atté ni nga xamantene nonu la mel manam lolou mu ne ko gëndale non ala kulli halin way su fekkantene wa ahlut tafyiq ñoom dañuy lan dañ nan rek ni lañ koy déggé borom subhanahu wa ta'ala mais borom subhanahu wa ta'ala mo xam lu muy tek way ñi nga xamantene ñoom ñoy akabirul arifin comme ci luñu nekk ni manam ñoom ni nga xamantene non lañ koy ñoon lañ koy waxe moy ne ben xéetu tejëndu lu bu borom bi def manam ci ben manam wacc gogou muy wacc ak tegal li la fi ak manifestation la bu muy def teewu fani bu muy def la nga xamne day wacc ci kaw kursi yu bi su ko defé lola mais lu muy def la ci alamul khayal su ko defé ci alamul khayal day am effet direct ci kursi yu yeungu ci muna wa annahu teyit khabar nañ la borom bi kat taala aji kayne lo won ñel nako kafun ak tenk wa anamilun ak ci baram kaf moy li teunk pom ci baram anamil moy phalange hein moy ci baram wa annahu tanaka mom tamit borom bi taala aji kawej yura def nga ko gis fi surati ci jëm xam nga bo xolé ci ci baram buñ xolé li ni ci xel da ngay gis ne borom bi lolu mën ta ne ndax kan modi am tink moy li ak ci ci baram ba pare mu am jëm ni physique manam ni koy mu am ki physique moy ko xamantene dafa exister par physique manam dafa am physique corps physique mo man lolu mais ko amul corps physique du am fa wala manam soura moy silhouette une silhouette donc une forme visible une forme une silhouette une forme une représentation ki nga xamantene moy am tenk am lolu moy ki am jëm ki am corps physique ko amul corps physique lolu bu meuna ne ci mom ci kaw lolu comme yalla mom amul corps physique comme niñ ko xam gisu won ah lan mo lutax yalla mo ko fi parce que ban preuve lañ ci am ba ngay bi nga wax ni le fait que dara exister wu avant parce que da nga am ko fi de fek mais bon dafa am luñu defare am na lu exister avant voilà étant donné que yalla mom déjà dara exister wu avant mom voilà am na lu ko ci exactement et que son existence est préétable manam amul c'est dans l'antériorité absolue amul fumu tambalé dafa djit comme que mbir non la démé manam amul dara lo xal parce que corps physique lepp lu ko am day am lu composé té composition yoy moy il faut que mu am ben temps préalable au moins pour que yoy di composer wu dajalo ba melni mu wara mel pour ñu mëna wax ni ki amna ki ah ah corps physique alors que yalla comme que amul lool manam comme que mom dafa exister dans l'antériorité absolue ça veut dire que dans la pré-éternité donc mënul am corps physique dafa impossible et que su amé corps physique rek limité ak moy amna ko lu ko jitu parce que liko jitu mom mëna créer corps physique bob benen bi ci dess mom moy corps physique faaw moy am lu appliquer wu ci mom parce que lepp luñu au moins c'est un corps physique il faut mom ay force yu appliquer wu ci mom et que bu do lolo kon yalla lan day am ay force yu appliquer wu ci mom te yalla ko lay am nañu mom dara force wa bu appliquer wu ci mom wa al qadru fa khay bani mom moy ci am na fete kaw jarami manam mindi fi ben te lolo tam te corps physique so sa yu amé faaw mu am lan espace bu mu occuper volume bu mu occuper ci espace mu ñu imaginer existence ben mbir bu am corps physique lu dina imaginer préalablement volume bu mu occuper ci espace lolu amul corps bo mental voilà tay course gi ni mu ñu moko imaginer sans mu imaginer d'abord mu am volume bu libre bu meuna occuper ci espace bi avant mu exister parce que su amul volume bu libre ci espace bi du meuna exister tay par exemple buma imaginer dama ko wara duggal ci sans force bi il faut force bi manam mu am espace au moins bu mu xaj parce que su fa xajul du fa meuna nek voilà lolou motax lu exister lu am corps physique lu nek day am volume bu mu occuper ci espace bi so amé volume bu mu occuper ci espace bi lolou limi tek moy il faut tout d'abord espace bobu exister avant mom muy exister am ba xam comprendre ñen ñu wax wala parce que sou amul rek bu mu nek voilà et que bu fekkonté né yalla kon mom dafa am corps physique kon moy volume bobu il faut mu exister avant mom muy doga mëna ñëw té comme lolou amul ndax yalla mo créé espace bi ak temps ah donc ci lañu xamé mom nekul ci espace nekul ci temps amuko lolou tamit waxon nañ ko té ak hadith bi ci yent bi do wax sallallahu alayhi wasallam ak yu mel non lolou mom motax terme bi ñi di wax né yalla fepp la nek genre lolou du terme bu djub lolou du terme bu djub terme la bo xamantene jahmiya ni ñu wax jahmiya ñom rek ñokoy wax ben kurel lañ ci nitu bi daay terme bi djub moy manam buñ melo yalla yi fep lañu ne manam fep lañuy feñe melo yalla yi fep lañuy feñe buñ ko waxe ci sens bobu dina djub mais pas ci sensu yalla manam mom ci bopum fop fep la ne lolou djubul niki lolou comme niñ ko waxe nekul ci asaman tam manam ci ni mu nek en fait amul espace amul temps mom sax mo créé espace bi ak temps mais subhanallah comme niñ doon wax yakar ci ben ci jotay yu remaxé borom subhanahu wa ta'ala day bind nit ko xamantene day dem ba transcender espace bi ak temps non dokoy transcender nonam day évoluer xam nga nit lu muy gënde évoluer spirituellement day évoluer ci maqamay diye Allah diye moy mi'raj liñ wax mi'raj moy l'ascension spirituelle voilà yende bi sallalahu alayhi wasallam amna lu mu def lu symboliser mi'raj bobu moy goudi gog nga xamantene ci lañ ko rañal lo yegal ko et cetera mu dem ba rombu lolou daf ko symboliser rek mais dou ne lolou mom moko tek parce que yantou sallallahu alayhi wasallam mom dès le départ dafa nekkone déjà dafa plafonner ba paré nak yalla nak yoni wat ko mu wacc ci bir mindi fi manam ñi ci dess ñepp ci souf lañ juggé di yegg ci kaw yantou bi sallallahu alayhi wasallam mom ci kaw lo juggé ñew di dajé nit ñi ci souf voilà wala dajé mindé fi ci souf lepp lu jogé ci borom bi ci mom lay jaar mokoy transmettre mindé fi mais buñ xolé borom bi subhanahu wa ta'ala Allah nit manam nit ki nga xamanté motax ñuy wax né wali bu né amna miraj bu muy effectuer manam day effectuer miraj bob manam ascension spirituelle bob mais ci bir lolu amna ño xamné buñ démé dañuy dem di dem bo bo nak wessu arach xam nga univers ci arach la existence univers ci arach la motax arach moy trône bi nga xamanté mom mo umbu univers bi création mais ginnaw lolou amna benen monde bo xamantene mom lañ wax alamur raqqa raqqa mon fofu la jabalu qaf nek moy montagne bobu qaf et que fofu nonu ci la ci kaw ci la aynul hayat nek maul ghaibi ci kaw nek fofu la tawqul akhdar nek non president il est bon on le dit plus quoi voilà donc fofu la nek et que ci kaw nak ci kaw nonu ci la manam ci coupraf fofu la garab bobu nek Touba garab Touba ak ay tumbu ay dune yo xamne ay misk la yu wex misk wa ay tumbu ay dune voilà misk yu wex ci la donc à côté nonou ci la garab gogou nek Touba garab gogou nak moy ciossanu garab yi nek fi yepp univers bi ak sen ak li ci nek yepp fofu la ni manam garab gogou moy ciossanu lepp lo xamantene mom moy garab yi nek aljana manam d'ailleurs garab gogou ci le fruit yu aljana yepp mu nek buru won garab gogou kon feuillage yi univers végétation do am et que maintenant ci kaw dune bobu ci kaw ci plafond bi fofu la barzakhul kubra nek al barzakhul kubra moy dune non moy lan l'isthme le grand isthme manam monde intermédiaire moy isthme monde intermédiaire médiane voilà pla fofu la nek barzakhul kubra bo fofu nak mom moy fofu moy siège cheikh nak tidiane radhiyallahu anhu voilà donc c'est à partir de siège bo ci lay gérer univers bi donc donc nit amna ñoo xamantene dañuy dem nak bo xamantene tellement que dañuy évoluer donc fofu ñu fa nek ni dañuy dépasser espace vector bien mais à partir de montagne bobu ci lañuy envoler wo manam ñu di nek ba dugg ci montagne bobu ñoo ci maqamul qurba lañu ne manam moy ñi nga xamne ñom nak ñoo nek dans la proximité divine mais de manière complète accomplie voilà dañu jégué yalla deug ñoñu dañuy à travers dung bobu manam li ci montage bobu khas en fait montage la bo xamantene en même temps moy gis nga xayal ñu mel en fait montage bobu ci la ardu sumsuma ne dafa am ben souf bu ñu tuddé ardu sumsuma bo xam nañu hein may ba ar bo sos lañ ñuy defal maam ar voilà ok yo mi jappu voilà sous sos moy ndessitu souf suñ defal maam ar ay sa sama lool mom motax ngay trouver manam motax souf sosu moy soufu xam manam maarif yu kawé moy xam yalla yu kawé manam xam xam yu doyare souf sos lay manifestaw motax ni am accès ci connaissance yo ci man ci niveau bobu ñom ñoy am yenn niveau connaissance legui ñooñu buñu tra en fait donc ci sen évolution spirituelle dañuy dem ba transcender donc espace bi ak temps bi donc ñooñu nekkutuñ ci espace nekkutuñ ci temps parce que montagne bobu dafa nek à la fois ci soufu aduna bi ba para nek ci kaw aduna bi manam lool ci xal yanuul manam manam yanuul manam ci xal manam ma nek ci soufu mbiru ba para nek ci kaw mais montagne bobu non la nek nit ñi bala ñu di lu bu di dem dañuy dafa am ben genre canal bu nit ki wesso place wu manam gi nga xamantene c'est moy gennu na arrache monde ba parce que fofu la création bi légui pour mu gën di évoluer nak manam ci place ci yi nga xamantene légui dafa gennu même création bi manam et que dafa dugg concrètement ci li nga xamantene mom vraiment khayal la complètement mais moy maqama qurbah moy la proximité divine en tant que tel dafa am ben canal bo xamantene mom lay top canal bobu canal du lendeum la dafa lendeum christ genre mu dang koy dox pendant 2-3 mois yo xamne da ngay dox rek ci lendeum gi non ba la feul da di feul fofu voilà ani fallu ko legui lo kon loy gën di dem da ngay dem ba benn moment bo xamantene a part de fofu nak ngay def benn envol bo xamantene envol bobu ngay def mo lay duggal nak ci pré éternité ak éternité c'est à dire que nit koku dootul nek ci temps ba paré du nek aussi ci espace au contraire temps yep dañuy nek ci biram espace yep dañuy nek ci biram waaw lolou moy indi ngay gis yenn yu doyar yenn walu di wax ñu bari mënu ñu ko comprendre parce que dafa genn xelu nit en fait dafa genn xelu nit quoi ndax xayal kessé la fiction mais fiction bobu merul comme gaay fi buñu wax fiction fi gaay buñu wax fiction moy lo xamantene dañ ko xalaat rek seen xel gisunu ko yoy alors que fof fiction bi réalité la en même temps motax mu wax ci début bi ne alamul khayal malgré que khayal la manam fiction la mais alam la bo xamné monde la bo xamné réalité la voilà légi xolal sou nit ki yeggé fofu day dali mëna dugg ci pré-éternité ak éternité du fay dali mëna dugg pré-éternité ak éternité ba paré day dali mëna dugg ci fo xam man amul espace amul temps fu mu nek rek aduna bi day dali manam place bu mu bëgg mom wala place bobu moy ñew nek mom comme mom place mi ngi ci biiram donc day daal di nek fofu niki nonu temps est temps bu mu bëgg téw mom da koy téw lu rek nek ci temps bobu ce qui fait que amna lo xamantene xam nga mënta nek ci suñu xel mais lolu mën na nek ci xalal moy comme tay par exemple ben événement comme tay par exemple dembu dara xew na mu bëgg te fekkewmuko mu bëgg dem téw yi ci jotay manam ci xew xew bobu ma def ma téw ci te passé na waw ha ci réunion demb bi wala té bi mi xew nekku fi won té lolu likoy indi non non mais c'est lolou likoy indi lolou likoy indi moy nit ki bu yegge fofu non nit ki su yegge fofu en fait temps bi moy ne ci biram manam mom du nek ci bir temps bi xam nga ñun ni ni dañu nek ci bir temps bi ci bir espace mais fofu non nit ki temps bi ci bopam moy ak espace bi ñoy nek ci biram manam physiquement ni exemple par exemple lool lek ko paré ngo chat c'est dial no paré ko générateur nek ci voilà waaw lool par exemple lool meun ñu jëlé exemple mais sauf que li ni xam nga après temps bi day décalé wu ci temps bi motax mais su doone fé né manam ci même moment bi nit ki limu lek même moment bobu nono waccu wat nako mais mi ngi wat ci biram boba exemple bobu day jout manam du meunte temps bi comme ni dans la vie réelle ni mais dans la spirituellement dans ça qui day meun remonter temps bi manam lolu motax dafa guen xel en fait lolu mo motax nit ki su duggé ci bo motax ñi gis né yeen nit yalla yegg yeen niveau di wax par exemple que ni comme niñ ko gissoon di wax par exemple né fekk nañ badar par exemple en badar ben événement la bu xew bu faré mënu ko xewat mënu lu mënta wat tan bu xewat ko mais nit ki bu yeggé ci niveau bobu day manam day comme mom mi ngi ci bir espace bi temps bi mi ngi ci bir day tewlu wat événement bi manam ci bir nekkat ci bir man événement bi ñu wat ci biram xewat moy comme ñu di bokku ci wa falakul asir voilà borom bi subhanahu wa ta'ala bimu bindé univers bi manam non pas univers haqqatu muhammadiyya wala realti muhammadiyya wax yent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu jikko amal a travers ruhu yent bobu sallallahu alayhi wasallam moy ñent khalifa yi ak ñent malaka yu makki ñoñu ñu jikko existence ñoñu ñu jikko puiser directement ci l'air yent bi sallallahu alayhi wasallam moy sayna abubakar omar usman ali ak ñent ma la jibril mikail israfil azrail maintenant ñooñu après dafa am ben nombre de ay jëm lañ yo xamantene ay duñu ay malaka mais aussi duñu ay duñu luddul ñooñu manam ay être céleste lañ créateur céleste lañ yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala da leena bind ñoñu lañu xal falakul asir manam ga yoy ñoñu être yoy lay da ngay gis nit ko xamne day mëna dem buñ boole ko ci moko ñu ci malaka yi wa non ñoñu di ay malaka wa né par exemple ñoom ma su ci bi ñoom dañ dama bokk ci voilà ñu duggal leen ci groupe bobu hein ñu nek groupe bo xamantene hein dañ leen ci intégrer et pourtant c'est à dire que avant même la création des manam ñu bindu souf ci asaman ak yeneen yi ci dess yépp wa ha modar udar réalité bu existentielle la bu meuna nek la bu am la bu am la ñu bari nonu tamit lañ meuna jëlé nit ki tamit duggal ko ci groupe manam ñu fekke badar ci seen bop amna yaana wax dal la ko waxon wala dama ko waxon fi ben way bu ben ku ben mbokk nu bu genton ha wala voilà nga xamantene te yakra gentum bobu nek bir jundu yenti bi sallallahu alayhi wasallam jundu lo ak mom dem xare lo ak mom badar ba fateliku na sax ci fan la nekkon exactement ci bir xarab bi mo bob te xam nga lolu ci ki la bo xamantene ñu tuddu ci hadara la bo xamantene lo fa gis rek lolu realité la papa voilà voilà lolu voilà lolu nak bo xolé mana bobu ci matfa'an kha mom la doon wax ne bima doon wax ak cheikh tidiane radi Allah anhu ko adkhil muridaka aynaha qabla al wara ha aynan annuna nihqan bi naqai voilà dugulul sa talibé bi ci sanctuaire bobu mam ci nek ha gogou nga xamantene avant même mi defi di exister avant même mi defi di exister fofu la yentibi sallalahu alayhi wasallam nekkon mom kessé di jamu borom mom té lolu benen parti beuy bi moko expliquer manam mo parce que lolu ci lay meuna réaliser wu moy aynané nounané té kan dina xay ñaari ayn yoy ak ñaari noun yoy def ko bamou incarner ko ci anam gi mu gëna sét wala aynan aynani ak nounani ñaari ayn ak ñaari noun yo xamantene ben manam non seulement khalima du len bind lamine du len mën tuddu mais ayn bu nek ak noun bu nek dafa manam ayn bu nek dafa am ñaari noun ci bir ayn bi et que noun bu nek amna ñaari ayn ci bir noun ah aynu aynu ayn ñaari aynu la yu existé yo xamné khalima du len bind lamine mënu len tut mais ayn bu nek amna ñaari noon yu ci nek xam nga ayn benn noon rek ci nek mais ayn bob mom benn bu ci nek amna ñaari noon yu ci nek mais tamit noon am ñaari noon la yu existé yo xamné ñom tamit lamine du len bind khalima lamine du len tud khalima du len bind té noon bu nek amna ñaari ayn yu ne ci biir wa aynani aynani lam yaktub huma qalamun fi kulli aynin min al-aynani nunani nunani nunani lam yaktub huma qalamun fi kulli nunin min an-nunani aynani voilà limi tek pour résumer limi tek moy ñaari ayni moy entité existence c'est manam être nek bu yalla existence être la entité existentielle la jambu yalla jambi entité existentielle la être la donc ñom ñaar ñep ay ayen lañ mais que à chaque fois que jambi xol borom wala yalla xol ko ñaari nounani manam ananiya bi tek le moi dañuy retrouver ci bir manam moy jambi bu xolé yalla day gis bopam gis yalla ci bir le moi bu yalla ak le moi bu bopam et que suko yalla xolé day gis le moi bu jambi gis moi bu bopam tamit et vice versa manam ñaari moi bi bu ci taxaw kenn manam man di nane man ananiya man kok lol di nane man su taxawé xol ci manu yalla day gis nek mom fo nek son existence ba pare gisale existence yalla ci bir manam lol moy lan en quelque sorte moy l'extinction totale moy alfana bu mat seuk moy jeex tak ci yalla nit ki nak bu deme ba jeex tak ci yalla exister tout yalla moy exister par mom wala bu meun nañ ni mom existé wul et que yalla mo existé wala bok ñu né existé la mais par yalla la existé ñaar yo bu la neex nga tan ci bu la neex nga né en réalité mom existé wul yalla dako feñal ni rek mu nekk lu koy dox ci bir nit ñi mais en réalité mom ci bopum existé wul wala ñu né existé na mais yalla mo mais leppum yalla la mom amul daraay bopam leppum yalla la lolu boko réaliser extinction bop comme yalla amul dafa pré éternel éternel nekul ci espace nekul ci temps da ngay dal di mëna dugg ci groupe bop moy ñaari noon yi ñaari ay noon yi bo xamantene benn bu ci nek amna ñaari morom manam ci biiru wala manam moy lo pour résumer c'est une forme pour dire jeex tan ci yalla complètement manam pour résumer da wala en quelque sorte mais lolu état la bo xamantene ci dem bu ki dundu ci dem bu dundu ko dundu bu deug koku bu ko defé rek day daal di mëna dugg tamit ci entité wu yenté bi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene dafa existé won mom ci bopam di jaamu yalla manam dans le mystère total ci sanctuaire bobu nga xamantene yalla rek ka fa nek en tant que huya manam en tant que mom yalla kessé manam son naissance mom rek mu nek fa yenté sallalahu alayhi wasallam di jaamu yalla fofu mom kessé manam da ngay daal meuna dem bo atteindre non bo dugg ci groupe bo te gisoon nañ ko wa alul itlaq ñoy am lool ñom ñoy dem ba jeex tak ci yentibi bi sallallahu alayhi wasallam ci jëm yentibi sallallahu buñu demé ba jeex tak ci jëm yentibi sallallahu alayhi wasallam en même temps dañuy jeex ci nek neku yalla bi contrairement ak ñeneen ñi ci dess nga xamantene dañuy jeex ci touru yalla yek ci melo yalla mais ñom ci nek yalla gi ci bopam lañuy dem ba jeex ba atteindre ba sey ci complètement parle voilà manam c'est lepp yalla la ñom c'est lepp lepp yalla yent bi la sallalahu alayhi wasallam amuñu len yent bi yalla yent bi yalla sallalahu alayhi wasallam jeexna amuñu len ah koku non nak souba ñu manam ñu di yegg niveau bobu nak ñom dañuy da ngay gis ñu mën di réaliser ay affaires spirituellement yu doy wa yo xamantene en fait xelu nit sax day japp na lool man tane xel nit day japp na lool man tane fekk comme liñ wax sax fekk man na ne ay lu yewil man na ne lol man na nek moy comme li wax ni moy lu wefu nga demat dugat fa wala lu ki nga intégrer ko groupe bo xamantene dafa restreint mais que do ci bok ludul normalement bok moy bo fa nekke moment bob ben affaire la bu historique comme li ñu wax ki wa falakul asir ñu dugal la fofu wala ñi ñu wax ni sank malaka yi yeen ki ñent malaka yi ñent xolofaw yi nga dem ba dugg ci seen bir nek manam taxaw seen taxaway wala sa existence sa essence muju ko nek sa essence nek seen boss et cetera ak yoy yep mais lool évolution la ko ñu évolution spirituelle la mo évolué ay tiaxan mayewugo ay tiaxan mayewugo ay mebet mayewugo suma sañon rek taxu nga yegg ko han aka neexon suma sañon man day bëggon naan lool rek taxu nit yegg fa wala wow soit amna ño xamantene yalla da len di bijj directement yobul len fofu ñoo mom vraiment yalla len tan yobul len wami wa mais lol teki wul ne do def dara non teki wul ne do def dara di nga def dara mais sauf que def li ngay effort bi dafa disproportionné ak résultat bi lool lay tekki manam au minimum par exemple da nga di julli di nga wor au moins amna yoy def ta parce que koudou bi julli du wor du ki ba pare yakane dañ ko bi djio ko fofu day nelaw day wol muy jent ko yewul voilà mais et cetera donc lool mën na né quoi ni bi djila yobou la fofu lool mën na né wala nga cheminer mu cheminement la bo xamantene nit manou ko defal nit manou ko defal bokkum ba pare nit manou ko def fokk mu ando ak moment ben moment fokk mu ando privilège lolou mom moy jagle gi wala fokk mu ando privilège moy jagle bu reuy hein wa serigne mais il faut mom serigne bi yegg fofu fa voilà hein waaw lool la moy voilà exactement différence la moy kuñu élire ak kuñu nommer xam nga am la différence waaw vote bi ak campagne ci adio yépp directement waaw am nañ ci am yaakar parce que yalla mën na lu nek yalla mën na lu nek ci sañ na lu nek waaw mën nañ ci am yaakar bu baax ni ki bi pour revenir ce matin mo ngi waaw exactement nga na définition bi la ma xamul voilà en fait hadith bi da fa yegu mais maqam al mahmoud moy ne sou lolu amé manam jour jugement bi yent bi sallalahu alayhi wasallam day dem manam nit ni dañuy xam nga jour bobu comme ni ko hadithu shafa'a di wax manam hadith bu siwu la moy buñ ñëwé lacc mam adama assa parce que nit ñi jaxlé nañ nangam gis na mom mu né du mëna ramu gaay et cetera ñu dem laaj ma ibrahima sal mu ne dem len ma laaj ma ibrahima mu dem ñu laaj len yentiyalla musa ñu dem laaj maam yentiyalla nox ba avant bok après ma ibrahima sal salam après yentiyalla musa yentiyalla isa sal hadith musi bob bañu yex nak ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ana laha ni de mako mom maqam bi sama maqama la ñew ngeen ci ki ngeen wara ci ki wo ki ngeen waro na ñew nak mu daw mu dem sujud ci ron arash nena kérok yalla daf koy yenké won manam daf koy inspirer ay xéeti sante yalla yu kawé yo xamantene xam ko légui ni jour bobu la koy xam sam yoyu nak muy sante yalla ba nga xamantene moy ba ñu lako juggal ñu lako qum ya muhammad sal tu'ta washfa tushfa juggal yéne bi sallallahu alayhi wasallam lagal ni dox la ramu lolu ñu ramu lolu mu da di jox sallallahu alayhi wasallam jël li waul hamdi moy drapeau bobu xamne mom moy drapeau sante yalla motax gis nga sante dafa graw sante moy makam yu gëna kaw nit ku di sante yalla ci tool lolu moy affaire yegg ci yalla deug moy ni ko xamne day sante yalla fu doon bo xolé xolal fofu alhamdullah lañ wax gisso maqam al mahmoud dafa delu wat ci sante ndax dañ ko sante ndax bu boba nak nit ñepp dañuy sante yentim sallallahu alayhi wasallam nit def yepp pour lutax ba pare drapeau bi mi yor bi di symboliser lolu moy sante motax mu na adam wa man duna wa tahta li wa yawma qiyam adam ak ñeneen ñu dul mom ci amna ci benen riwaya bu mu wax min al anbiya ci yenenti ya alayhi wasallam ñom ñep ci sama suufu drapeau bobu lañu ne ñep minif yep manam jour bobu motax ramu gi mi ramu nak minif yep nak manam ñep parce que jour bobu même yéféri dañuy wax sax ne dañuy bëgg né non mais vraiment atté nañu atté quoi finalement attente bi mi ngi manam sonu nañ metti na taxaway bi yag na choono bi manam même mu déren sawara nañu atté quoi yentibi rasul sallallahu alayhi wasallam ñew bi mi ñew ngir rabu mi def yep pour atté bobu am loolu lañu xal maqamul mahmoud mais surtout sante yalla yi mi sante yalla ci moment bobu voilà legui bo xolé motax kon pour wax ci sante gogou non manam bo xolé day gis ne sante motax sante lu do yor fofu sante la mo fam maqam mahmoud sante la mam adam alayhi salam bimu touché le alhamdullilah la dafa sant moy biñ ko dogu bind yenté allah no alayhi salam bimu mucci alhamdullilah dina janana amzalmin mbi ci def manam bo xolé ñu ñëw rek alhamdullilah sant borom subhanahu wa ta'ala alquranam gi ginnaw bo subhanahu alhamdullilah la tambal alhamdullilah sant sant bu gaay deme ba aljana bu ñuy dem buy waji buy ci yoonu aljana sant lañu def alhamdulillah allazi hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah bu ñu deme ba tok bir aljana sant lañu def alhamdulillah allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurur shakur ha mo do sant yalla lañu def amu di wuñu lenen lu mën ci xew dañuy sant ah bu ñu motax lu lolo tax sant yalla sant waaw nit ki bo xolé même yentibi sallalahu alayhi wasallam xolol turum turum yi gëna mag ba sant mo ngi ci bir ahmad muhammad mahmud hamid hamid manam tur yoy yep xam sant ngi ci bir motax bok et cetera bo tolol topol lool sant waaw du bañ di kaas fo tolu di kaas di jax di jambal affaire da ngay waru deug bu dafa metti crise bi da ngay waru dafa tay war nga wuy kibi voilà non sant alhamdullilah voilà alhamdullilah surtout ko ñun yalla ngom la lañu parce que ñun mom am comme ñu makoy faal do wax tout temps ñu xamuñu lu amuñu problème ñun luxe buñu yok lañu am lañu bëgg mais problème mom amuñ ah problème amuñ ha señ dou problème amuñ problème amuñ wa ci rar sa rar ci ñun ni ku fi mësa tok ni 3 jours yu tégalo yum lekul nanu c'est très rare mu re amna wa c'est rare amna nak ño xamantene lool seen quotidien la ñu bari ci ñun ni mësuñu rombu ben nit buñu door pistolé mu dé ci mbéd bi ñu bari ci ñun mësuñu ko gis amna ñoo xamantene il suffit que ñu genn ci seen kër tafé ay cadavre et puis non lañu dundé hein c'est leur vie voilà ñu bëri ci ñun musuñu man amna ñu bëri yo xamantene musuñu dal xamuñu ko sax buñu dé genné lool existé sax da ngay gis suñu am ñepp mais amna ñoo xamantene loolu nonu c'est un quotidien am ñun ñu bëri ci ñun ñi musuñu dé musuñu gis bombe ni tamni ci bari ci musul ko gis sa vrai amni même ni bari ci ni musul ñu gis ñu dooré balu pistol wala wa si et cetera manam da ngay gis ni si am hein si si wa jëluñu gal wa wala mu ngok jëluñu ñu bëgg ñu ok ci ñoom jëluñu gal jaar ci téxes ci gëdj gi bëx mais amna yu bëri yeneen ak yeneen ñu bëri ci ñun ni mësuñu tok jour bo xamantene dañu xamne tay mënuma gën parce que awmuluma sol manam awmuluma sol dans le sens yiri ci bopum la yuru fa yiri bu rafet yiri la yuru yiri té lool non akabari ak wala bok akabari won ñu do xamantene kër go xamantene ben yiri fay am ki gën nakoy sol hein wa wala ndox buñu nan wa ci gër am dëd gëri la dans la vie de tous les jours lu am nañu bëy wa hein si si amna ñu bëri ci ñun ni musu ñu xam ay dundu manam dundu ci lendeum ni amna ñu bari ci ñun musu ñu ko xam wala bo ñeké xalé la yag na amna ñu bari tamit ci ñun ño xamantene mais téléphone manam musu manam ñak ñu téléphone musu ñu ko ñak ñu upp ci ñun nit ñi am nañ téléphone lool xet xewul yu reuy la waaw amna ci ñun ñu bari ño xam sa dañuy déssé dañuy déssé ñu bari ci ñun dañuy déssé waaw di nan boisson si amna ñu bari ci ñun ñu xamul mettitu ñu gaay ñew rek ray sa ay dom say wajur et cetera amna ñu bari ci ñun ñu xamul metti bobu et etc. Non, ñun dara la lu ñu wax. Ñun amuñu problème. Non, amuñu problème du tout. Ñun ay luxe yuñ bëgg préserver ak bëgg muy gën di yok lañ am. Mais problème amuñ parce que ñun yi ñuy wax problème du dara. Dama am problème xaaliss nangam, dama am problème yoy lañ wax problème ñun. Dama bëgg jënd li mënuma ko jënd, dama bëgg fay nangam mënuma ko fay. Ñun yoy lañ wax problème. Mais problème yi vital yi nga xamantene manam boko defu da ngay dé légui ñun loolu amuñu ko. Ñami non ñun amuñu ko. Si et cetera amna ñoo xamantene non mais yu bare amna xalé yo xamantene ñom musuñu xam musuñ comme ni xalaatuñ ko tok ni rek ni en paix ni di waxtaan ni saam ki amna ñu bari ñuko musuñ xam parce que tout temps ñi ngi xaar benn bombu wara dal seen kaw wala benn ki et cetera si nelaw ay 6h de temps 7h de temps par jour non amna ñu bare ño xamne taluñu ko xamuñu ko parce que tout simplement circonstances yi ñi dund moko gi te ñoy dundondo ak ñom ci même souci ni yalla def moy au bon moment ñun dañ nek au bon moment au bon endroit kessé mais xolal tay même muy France muy Sénégal il y a un siècle deux siècles mais dañ doon guerre guerre 14-18 bi xam nga il y a un siècle ñu ñëw ci bi bo xolé Sénégal ñun ci xex lañ dekk bouri di non do mais ñun on est venu juste au bon moment rek lool la rek amuñu xamuñu luy guerre xamuñu xex waaw japp rek duggal ci bir gap ki bi baton amul choix kenn dula lacc sa choix amul ay li la xalat non mais ñu bari ci ñun musuñu manam confronté aux situation bo xamantene amuñu choix ni néno non pas du tout non alors que soit même ci suñu vie sociale légui na mais buñu délo tout ci ginnam mais buñ am ki xalé bu jigen bi buñ koy maye mais duñ ko tagu sax tay dal ngey sey ji ñewul dem amul lenen amul fi fan la kan la nan la amul la jugal dem waaw wala sa jabar tay lay ñew ñu daal di jël sakkan bi defar ko legi neegu ñax tek ko yikiti ko tek puuj gi def affaire bu jeex wa moy bant bobu nek ci kaw neegu ñax di koy tey voilà après mu jeex voilà après nak ndax ndaw ci bëgg na ko bëgguma ko lool après sax yow benen affaire la sa yoon neeku ci tey ko dal voilà voilà non mais c'est vrai mais non ñun amuñu problème si mais xolal ñu bari ci ñun ni buñ amé ay problème bu bañ wala beut wala ki ni dañuy dem rek ci médecin yi ñu bindal leen ki takal leen ay verre du bindal leen ki mais lolu non mais luxe bu reere la Je suis en train de faire un problème. Essa bi ni ñu bari ci ñun defu ñu wala ñu uppu ci han auto bi lay jël wala ci tramba ngi fi manam loolu lañu manam du sax question bu ñu poser alors que ñu bari ay kilomètre lañuy dox tous les jours té duñ ko kaas han pour ñom ñi ngi ci luxe ñom tam buñ ko sax kaas buñ déggé koy jëm kaas affaire bobu sax da leen di jaxal si bu tram yi dowul wala metro yi nga gis ñu casse commencé ciow di mer nak mer bu fukk nak ni ko am yi dañu dégay waru gaay bi yewuñ ba paré nak am droit casse lotam dañu affaire la am droit au casse parce que bo cassé dara dou la ci fekk mais attention il y a peu de temps ci ginnaw casse bobu soko defon dañuy tour sey beut voilà voilà voilà voilà ça de quoi voilà ay fere di nord wala ay kiba ah oui soit dañuy tour sey beut mañu lak la gant bi ba pare kenn dou la atté et cetera et cetera to pour lo non mais ñun xewul gu ruy ni mais budul jeex xewul gu ruy ni si mais même buñu delo ci ginaaw rek yagul dara génération ñun ñu di logo judd peut-être ñun ñoo ci xamul dara mais ñu ñu man ñi tout ñu ngi dund ni ñu xam nañ ko buñu du lek ciép ni ciép mais duñu rax sen loxo parce que dañuy xamné dañuy parce que buñ ko waxé sen gaay sen dekk nooy ni sen ki neneen ciép lañ añé mais duñ ko gëm pour duñu rax sen loxo pour ñu mëna xëncu alors que ñun légui dootul lix mais lool légui la mais avant lo mais si et cetera mais non ñun xewul bu ruy ruy ne yalla daf ñu defal xewul de motax nak lolu gis nga bu la yalla defal xewul nak santuloko ngay jambat day gëna durcir condition motax lu gaay di gis nga gaay bu ñi cast pourtant affaire yepp ngi dox mais nit ñi duñu gis ne mi ngi dox ñuy cast ay crise bi dafa met affaire da ngay ki te kat liguey bi nga doon liguey moy comme li nga wax liguey bi nga doon liguey yaang koy liguey yaangi d'ailleurs sax sa salaire dañ ko yok ak yoy mais yaangi tok nan non crise bi dafa met affaire yi doxul hein yaangi dulul ci bu jeun bi nga daan lek yaangi degi ak pat yi nga daan tangal mo ngay tangal bu lig mais lan mo changer non affaire yi doxul dekk bi da ngay voir crise bi dafa met mais tay yow pat di nga don tangal daw mo ngay tangal rek même tay buñu xolé ñu bari ni man may fatlu ay mais ay affaire yu banal mais ay les années 90 ay 2000 non mais juste années 90 en tout cas fin années 90 mais keur yu bari buñ doon wote téléphone ñu dëkk seen mbokk yi ni dëkk ay Italie yi mais dañuy wote yi téléphone bo bari nak nga gis gaay yi ti téléphone bi mais xaaral ñu wote yu ñu dem wote diko ay buñ coupé 90 wa mais ak courant keur yi da am courant dañ len di doon konté mais lool ñun ñu ko féké nañ ko keur yu am courant yeen mom bo mo ci féké wolé mais ñun ñi féké nañ wa ñom Ibrahima ñom musuñu ko gis lool wa xamoko lool kay xamna do xam yow mais ñun ñi gis nañ ko kon go xamantene seul ñi riche ñoy am courant manam day seen keur am courant lool day wone ni yeen ñi ay patron ngeen wala mu am frigo keur gu am frigo non lool day wone ni yeen ay patron ngeen et cetera te loolu yagul dara barki demb la barki demb yagul dara hein mais ñun dañuy di kaas rek fuñu fekk ñu ngi di kaas dañuy sant yalla ñu sant yalla alhamdullilah yalla defal nañu xewul gogu ñukoy sant ne ko ah yalla gis nañ ci xewul ñu ngi defal ngi lay sant wala lool mo jaadu baye jambat bi du defar dara en fait te jambat bi en fait day indi sentiment de kenn da nga demuni en fait sentiment bobu lay indi nit ki day yaakar ne mom amul dara dafa malchance dafa malheureux ci dundam alors que en réalité dedit borom xewul reuy la alors que ci xewul nga lay jallar si da ngay gis xala bu jigen bu sol bu am 200 paire dal mais sobra wala dal bu nek am paire sac bi muy andal paire dal bu nek sac bi muy andal mais alors que lool mais lool ci fiction la bok mais lool ci xayal la bok non ligi c'est que fiction la pour devenir réalité mais lool fiction la 200 paires dal waxu sans mom nako am nako 200 paires mais de nan la mala nekke munu ko imaginer mais yow même buñ délo tout ci ginnaw ñun suñu mam yi ñoo ñu seen mam nga wax leen neen amna ki bo xamantene manam dakar ak ndar man nako man nañ ko dool ci benn bus bi rek nga dem delu ci wat mais day fogg ne da nga febar lepp suñu papi wa mon sam papi fa do fu do wala wala woké mu ngo wala si etc. Mais nous, les péages, nous avons dit Rattak Yagi Chess, après l'utilis. Voilà. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons mais tout le temps ñi gass affaire non da ngay waru dekk bi da ngay waru dara doxul voilà gouvernement bi ligéyul affaire yi dara marché rien ne marche plus et puis de ligue dafa gëna metti alors que affaire bi ku gis xamni da gëna neex gënta metti dafa gëna neex courant bi ñi di gass liko indi moy ne li ñi branché mo gëna bëri voilà nit ñi dañuy gën di dundu gi da gëna neex waaw chambre bi waaw ba paré nit ñi di gën di am xaaliss nit ñi dañu gëna bëri xaaliss motax tay film toll nañ xol rek waaw mais bien sûr mais xolal ñun suñu kër yi ñi ñu yor ñi ni mais suñu papa yi ñun a notre âge ñun ñu am ay fauteuil ay télé ay ki ñen ñi sa di dawal seen auto mais ñun suñu papa yi dund nañ ba dé amuñu lo oh ci neegi ñax yi lañ dund dëkk amuñu won lo waaw mais da ngay gis hein mais ñun fuñ toll ñi ngi gas affaire bi da ngay war té ñom ñu mais xaar dafa am ben réalité bo xamna dafa banal dafa banal en fait mais soko xolé ci suñu dund ci ngay xamé ni ñun dañ dul sante yalla rek mais vraiment yalla daf ñu defal xewal gis nga avant da nga daan gis ñi keur go xamantene ñett neeg la ñett ak heure bi mais gis nga ñett neeg mais 30 personnes dañ ñew ku ñew rek ñu ne ko xat nga ci keur da nga gis ko xamantene dañuy tok ba benn jamono ñu jekki rek gis benn ci fo ki bi ni mur bi wala saket bi ni rek ñu commencé gis benn bop buy feñ di jogu ko ki ndax xam nga day ay dir na ni rek nga gis ko ci keur geedi diw la rek nga gis ñepp contane ci dem téeru jiko mu ñew indal ñetti doom ne da vacances xamulo kan lay ñibi mais si ha mu ñew ne da vacances ñepp contane da di koy accolade téeru contane mais lolu nonu ñun mais waxuma la be te bu ye dia rek ya na manam dune espace bi mom la nit ñi xajul mais mentalité yi ñu yor voilà mo xat li mais dune espace bi lañ xajul parce que ñom dañ ko daan ci daan dund té problème daan lu am barké dañ def wa mais mentalité la rek question bi mentalité kessal lene lo fi wax lulul ne mentalité be soppé bu yagi to jaar wa mais barké bob mi su balé dem non nit ñi la rek parce que amul différence entre non dafa dal voilà mais lolu lu banal la lo xamne day woné ni nit ñi ñatt santé yalla non lolu exemple bu banal la fim tollu tay ko ci wax xam nga ma la ko do fi fim tollu ko ci wax ne ko ah fim toll day gis nga man yow day gi xamna ni studio nga am sax waye da bëggo rek nga jappale ma ndax mo bokk ak yow studio da ngay kus mo commencé alors que voilà bo bare su ñëwé nak sa yo xey nga nan amugo gi gisugo ko de quoi hein ouais alors que avant non mais c'est vrai alors que avant mais non alors que avant lool musul manam yoy yep manam bu ay symbole la en fait ay signe yu wone ni ñun suñu jamono yalla daf do defal xewul yu reuy mais gisunu ne xewul yu lañu defal hein day am mi ñu gis né problème amna da ngay muñ jëw am problème way di nga dé non non question bi du lool xam nga lool non ya sék liñ ko def ci sa bop bi la mais tay imagine xolal tay ma joxala ben exemple avant jigen ji di sey ci kërëm da xey tous les jours di togg di ki musuko def problème parce que dafa gis ni dafa normal alors que légui da ngay gis jigen ñi dañu togg ñaar yoon ñett yoon commencé japp né légui li ñi togg bari na Non mais non c'est juste ce n'est pas qui madame c'est juste pour dire que la mentalité rek mo évolué mais du problème mo am du problème mo am mentalité rek mo évolué c'est vrai que génération est difficile à préparer mais question mais non mais il suffit que ñu né ñu gis suñu xel né ah li day vraiment du problème ñun ñoko bëgg def problème rek mais du problème il suffit que lolu am rek problème bi yëkëti ko il suffit que ñu né ah ñun nak dañu wara sant yalla on est des privilégiés mais rek affaire bi continue décanté wu li ñuy gis yu bëri ñuy gis na problème la do nekkati problème mais té jappé comme détail finalement voilà non mais parfois ça dañu gis né dafa normal en fait xam nga moy exemple bima la jox sank wa ki nga xamantene da ngay tok rek mu jek rek dal di ñew rek nga gis ñu téro dokku ñu yépp contane jël ay bagage am duggal ci bir commencé contane mais lolu dara changé wu la li changer lén rek la moy bop yi manam mentalité rek ka changer mais sino kër yi dañu gëna yaatu sax et cetera affaire len mais non moyen dañu gëna yok et cetera li changer len rek la moy xel mi manam yow nan lay di percevoir affaire bi est ce que dang koy percevoir comme ni sa mbokk ñewul li ki li de sante yalla la ay koy li xewul la wala da nga nan non si mbokk dañ fi ñew dañ lay sonal rek manam ñaari idéologie yoyu mo indi mo mais lool la ah lan la non mais yow ñun ñen di ñëwé dañ koy accueillir franchement wa bernel ko defal ko mo ki rawgan bi dogu ñu Avant lu gëna bari lool lañ ci daan boole dañu dem di roti di dem di debbi di ci boole yenen ak yenen lool yu amul fi di wuti ji mat non non il faut nous comprendre que c'est que xam nga lan la il faut que ñuy non non dafa important non deux mère yow ndar ndar nga ñun xara rek non non xara rek xara rek mani non xaral dafa important ñun limay wax ni ñun ñepp xam nañ jarul lolu jarul ñu ci wérante wala ñu ci problème bi question bi ben affaire ci cela moy question de mentalité parce que amul fi leneen lo xamantene mën nañ ni mo soppé ko en tout temps wala sax à part que ni condition dafa amélioré à part ñu wax lolu mënu ñu fi wax leneen loolu ne condition dafa amélioré question bi lenn rek la moy question mentalité fék nak il faut que fék nak ñewuñu comprendre que ni ñun lool limay wax ni ñun man jëluma ci han ñun ñepp ci la ñek lool dama ni exemple la bo xamantene dafa man ma wax du wax na la ko kéro néna la fim tollu mentalité bi li wone ni suñu mentalité dafa soppé ko moy man fima dëkk ni tay manam ak situation bi ñu dem ni tay buma keneen néwé rek dafa bëggoon dëkk fofu rek da ngay gis ma commencé réfléchir té pourtant sans papa bima juk ci ben nek université mais accueillir nafa ay gan pendant des mois té mom mo fa dëkkoon ak sama yaay ak man ak sama rek té accueillir ben nek université té accueillir nafa ay gan yu bari mais mag mënuma lool lan mo changé du moyen ga mentalité kessa la du moyen il faut nous accepter man sama problème la mais changer wul réalité mbir mi changer wuko voilà accueillir na fa d'ailleurs ay rakam dañ jugi kemer ñew pour jang ci université amuñu chambre fofu lañ dekkone té bobu ñun ñu ñoo fa dekk mais non xamna non ñu dé suñu parents dé voilà kon lan mo tax ñoom ñu mëno ko ñun mënu ñu affaire barké bobu am mané bu fi mentalité la rek bu fi ké man dañay war lan la mané mentalité la rek fi du mënu ñu fi wax lénen loolu mais xel yi mag ni lénen barké dem non dédé barké non c'est que yow barké bobu ngay wax mais barké bobu fan la nek est ce que da fay changer non xaar rek concrètement est ce que da fay changer pour concret ñu concret quoi manam buñuy wax waxu ngeen barma buñu wax xaar buñuy wax kuy jël kaddu ku ne bumu wax lo xamantene day wax pour polémique kess na wax pour wax lo xamné xara na wax lo xamantene day wax ci lo xamantene man day and ak objectivité parce que lolou suñ ci duggu nak après day nek comme genre marché te fi du marché voilà légui ñu ñëw ci kibi buñu xolé lan mo changé à part pour ci exemple bima la jox ni ci sama papa man exemple bima la jox lan mo changé fofu lan motax sa papa meun ko man bu fekente ne awuma jabar awuma dom munuma lolou te sa papa munul nako te man mako ay moyen lan mo changer a part lolou man sama analyse mo di la vie est spéciale mais proportionnellement les moyens dañu gëna bari parce que sa papa bobu non amul frigo amul fauteuil amul yoy yep am ko te man am nako fimu nekko mo gëna xat e fima nek mo gëna yaat lutax mo mu mënu ko te man mënu mako jeexna moy mentalité bi égoïsme voilà jeexna wa est ce que changement mentalité bobu dafa xaram na bobu Non mais non daf ci am ay mbir yo xamantene baxna amna ay mbir yo xamne baxna il faut qu'on soit clair mais man lima doon wax ci bir lolou yep ci ben angle kessé la nekkone moy sante yalla giñu wara sante yalla reconnaître que ni quand même ñun santu ñuko assé et que ñu xamné ñun amna ay xéewal yu ñu yalla défal yu mu défalul woon ñu ñëk ni et que ñun gisunu xéewal yoy dañuy xoté ak bëtt ñëk ni japp né ñoñu ñoñu gënonu reuy xéewal alors que ñun luñu am ñom amuñu xajaatu xajj 1 million bi amuñu ko té waxuma ñu ñëk ni ay un siècle il y a 30 ans la wax ñun am nañ ay xéewal yo xamné 1 million bi ñoñu amuñu ko 1 million bi la wax suñu valeur téléphone portable kessé mo upp salaire bi nga am voilà voilà sur la et cetera suñu yor sa télé di tala ko fay di zappé et cetera manam lolou fo ñu reconnaître ko il faut ñu xamné li mo xew man maintenant li sama défaut la ndax sama défaut jamono la en même temps du man rek ñun ñëpp la mais ñu xamné li mo xew ñu xamné li mo xew après nak ñu ko ñu essayer comment on va faire pour en tout cas gëna sante yalla au moins être reconnaissant envers Allah au moins ni sante yalla parce que yalla tam dañ ko wax di sante té bay jambat bu metti tout le temps ñun toute chose est prétexte pour ñu jambat alors que dañu war di sante yalla ci lepp voilà dañu war di sante yalla dañu war di sante yalla par exemple lolu non mais par exemple exemple bima joxe ni manam du son papa kessé fi ñi kenn ku ci nek xamna limay wax réalité la bu ñu ku nek dundu ci kërëm kër papa am et cetera mais lolu mais non seulement ñom buñ ko def problème mais amul kenn kuy jugi ci biti na mais yow ñi ñepp nga fat ci sa kër gi na nga lolu amul problème alors que ñun boudé ñun manam non seulement yow paré wo pour def ko mais bo gisé ku koy def faw nga nek fi nan mais yow comment ça se fait que voilà parce que dafa dem ba nga xamantene xel yi ci bopam fo lo problème bi nek comme da d'ailleurs wolof yi dañ koy wax wolof luñu wax keur yi xatul lan lo xat xone mais wolof da ko lepp voilà kon ñu ñom fofu inshallah wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala rabbika rabbil izzati amma sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah